L'irréparable. Pouvons-nous étouffer le vieux, le long remords qui vit, s'agite et se tortille et se nourrit de nous comme le ver des morts, comme du chêne la chenille? Pouvons-nous étouffer l'implacable remords? Dans quel filtre, dans quel vin, dans quelle tisane noirons-nous ce vieil ennemi, destructeur et gourmand comme la courtisane, patient comme la fourmi? Dans quel filtre, dans quel vin, dans quelle tisane? Dis-le, belle sorcière, oh, dis, si tu le sais, à cet esprit comblé d'angoisse, et pareil au mourant qu'écrase les blessés, que le sabot du cheval froisse. Dis-le, belle sorcière, oh, dis, si tu le sais, à cet agonisant que le loup déjà flaire, et que surveille le corbeau, à ce soldat brisé, s'il faut qu'il désespère d'avoir sa croix et son tombeau, ce pauvre agonisant que déjà le loup flaire. Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir? Peut-on déchirer des ténèbres plus denses que la poix, sans matin et sans soir, sans astres, sans éclairs funèbres? Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir? L'espérance qui brille au carreau de l'auberge est soufflée et morte à jamais. Sans lune et sans rayon, trouver où l'on héberge les martyrs d'un chemin mauvais. Le diable a tout éteint au carreau de l'auberge. Adorable sorcière, aimes-tu les damnés? Dis, connais-tu l'irrémissible? Connais-tu le remords aux traits empoisonnés à qui notre cœur sert de cible? Adorable sorcière, aimes-tu les damnés? L'irréparable ronge avec sa dent maudite notre âme, piteux monument, et souvent il attaque, ainsi que le termite, par la base le bâtiment. L'irréparable ronge avec sa dent maudite. J'ai vu parfois, au fond d'un théâtre banal, qu'enflammait l'orchestre sonore, une fée allumée dans un ciel infernal, une miraculeuse aurore. J'ai vu parfois, au fond d'un théâtre banal, un être qui n'était que lumière, or et gaz, terrasser l'énorme Satan. Mais mon cœur, que jamais ne visite l'extase, est un théâtre où l'on attend toujours, toujours en vain, l'être aux ailes de gaz.